En Corée a eu lieu le 24 juin le service d'inauguration du musée central d'éducation de classe en présence de Kim Gi-nam, des cadres des organismes du parti, des forces armées et du pouvoir, du cabinet ministériel, des organisations des travailleurs, des ministères, des établissements centraux et municipaux, des militaires de l'armée populaire de Corée, des bâtisseurs, des méritants, du personnel du musée et des jeunes étudiants de la ville de Pyongyang. Aménagé nouvellement au bord de la rivière Potong à Pyongyang, le musée expose plus de 1670 photos, une centaine de maquettes panoramiques, statues en cire, sculptures et autres objets d'art, plus de 3000 reliques et pièces probantes qui dénoncent la férocité des impérialistes américains et japonais, des fantoches sud-coréens, des ennemis de classe et qui intensifient la conscience de classe anti-impérialiste de notre armée et de notre peuple.